Yeah. Razer. Jaguar. MA-12-6. Rangers. Razer. J'ai préféré écrire pour me dévoiler. J'ai préféré m'éloigner pour me relancer. J'ai écrit des textes forts qui me ressemblaient. J'ai coulé la tête haute sans faire d'apnée. La main sur le cœur, mes pensées stériles. Personne m'a fait de fleurs quand j'étais en péril. Personne n'est supérieur, douleur intérieure. Oui, je serai le meilleur sans donner mon postérieur. Je rêve de m'envoler toujours plus haut. De rejoindre papa, le moral à zéro. Tous mes rêves écrasés comme un ego. Alors je vise le ciel toujours plus haut. Rangers, t'as le CLM, MA2, rien que ça rappe. Marre d'être à Paname, d'écouter leur salade. Personne ne m'a aidé quand ma plume était sous terre. Personne je n'ai aimé comme l'amour de ma mère. Merci à Fienso, merci à mes 5 coups. Merci à mes supporters, je ne serais rien sans vous. Sans Rila, mon frérot, j'aurais sûrement tout stoppé. J'aurais écrit ma vie jusqu'à ce que la mort m'ait adopté. Je rêve de m'envoler toujours plus haut. De rejoindre papa, le moral à zéro. Tous mes rêves écrasés comme un ego. Alors je vise le ciel toujours plus haut. Je ne pleure plus, j'en perds ma voix. Dans mes rêves, je te vois. Je ne pleure plus, j'en perds ma voix. Sans ton père, sans repère. Sans une voix qui s'élève. Sans ton père, désespère. Sans une voix qui s'éveille. Je rêve de m'envoler toujours plus haut. De rejoindre papa, le moral à zéro. Écrasé comme un ego, alors je vise le ciel toujours plus haut.